Chapitre 4e. Sir Peter, pêchant et philosophant au bord de la rivière à Estcord, fut sincèrement heureux de la bonne fortune échue à sa sœur. Même sur le premier mouvement de satisfaction, il commanda sa valise pour aller, par le premier train, embrasser sa petite Anna. Mais bientôt les ennuis de ce déplacement se présentaient avec force à ses yeux, et la supériorité d'une lettre sur des félicitations verbales s'imposait sans réplique. Renonçant donc au voyage projeté, il décommanda sa valise, écrivit la lettre et reprit sa ligne et ses méditations un moment suspendu. Dans cette épître, d'ailleurs très tendre et très fraternelle, il engageait Anna à ne pas perdre de temps pour aller régler ses affaires avec le notaire allemand, mais ne sonnait mot de l'accompagner. Anna fut un peu déçue, car elle avait compté implicitement sur sa protection pour ce voyage. « Et quoi ? » fit Suzy amère. « Vous êtes surprise de lui voir montrer une fois de plus son incurable égoïsme ? Oh non, non ! C'est moi qui avais tort. Vous savez qu'en cette saison, il souffre de rhumatisme. » Suzy fit entendre un ricanement sardonique. « La question, dit Anna perplexe, c'est de savoir qui m'escortera. Je ne puis pas, innocente brebis que je suis, voyager seule, en dépit de mon âge vénérable. « Je vous accompagne, déclara Suzy. Parlez-vous sérieusement ? Qu'est-ce qui peut vous en faire douter ? « Et jamais reculé, devant aucun sacrifice pour vous être utile. Et nous emmènerons Letty, son allemand y gagnera. Herr Schumpf dit qu'il est honteux de son allemand. » Cette obligeance inattendue remplit de gratitude l'âme simple d'Anna, et Suzy reçut ses effusions avec l'attitude du mérite conscient. Mais l'astucieuse petite femme avait une raison qu'elle ne disait pas pour expliquer tant d'amabilité. Il se préparait pour elle, en ce moment, une de ces défaites mondaines dont elle n'avait que trop l'expérience, mais qui, pour diverses raisons, lui semblaient plus dures que tant d'autres acceptées jusqu'ici avec intrépidité. Or, un voyage sur le continent sauvait la situation. Elle pourrait, au retour, entendre d'un front tranquille le récit de ses fêtes, où elle n'était point conviée, exprimer avec aplomb son regret de n'y avoir pu assister. Et Anna, ignorante de ces dessous ténébreux, faisait humblement son mea culpa pour avoir jusque-là rendu si peu justice à la bonté de Suzy. Elles se mirent en route un peu avant Pâques. On devait s'arrêter à Berlin pour l'entrevue indispensable avec le notaire et de là se diriger droit sur la Poméranie. Letty et Miss Leach étaient de la partie selon le programme. Letty était presque folle de joie devant ses vacances inattendues, mais bientôt cette joie allait se modifier considérablement car Lady Escort avait donné ses instructions à Miss Leach dès leur entrée en wagon. Pour l'élève et la maîtresse, le voyage devait être un cours ininterrompu d'histoire, de littérature et de géographie étrangère. « Letty n'est pas jolie, » se disait-elle, contemplant sans illusion sa fille assise en face d'elle, « qu'elle soit au moins instruite et accomplie. » Jamais d'ailleurs, elle ne l'avait tant vue. « Où a-t-elle pris cette figure pâle et bouffie ?» se demanda-t-elle avec colère. Ce n'était assurément ni elle ni Peter, les plus maigres des mortels, qui lui avaient légué cet embonpoint ridicule. Et son humeur, qui jamais n'était des meilleures, devint subitement exécrable. « C'est étrange, » pensait Anna en se retirant ce soir-là dans sa chambre d'hôtel. Je l'avais bien entendu dire, mais il paraît certain que le fait de voyager a pour résultat de mettre en évidence les pires côtés de notre nature. Rien n'est en effet plus certain. C'est un fait d'observation permanente que rien n'égale l'enthousiasme mutuel des voyageurs au départ, si ce n'est leur mutuelle aversion à l'arrivée. Rares sont les amitiés qui survivent à une excursion entreprise en commun, innombrables celles qui y ont trouvé une fin malheureuse et prématurée. Après un entretien du caractère le plus satisfaisant avec le notaire de Berlin, on prit le train pour Stralsund. Stralsund est une ville vieillotte, aux pavés pointus, aux rues étroites, aux maisons flanquées de pignons, aux antiques églises, bâties sur une île que des digues reliaient à la terre ferme et qui est elle-même séparée par un petit bras de mer de l'île de Rügen. Son plus beau moment est l'entrée de l'été, alors que la verte étendue de ses plaines marécageuses se détache entre le ciel bleu, pommelé de légers nuages blancs, et la mer bleue, semée de voiles rouges et orangées. Il s'en dégage alors une divine fraîcheur, et le touriste, qui n'est pas trop esclave de ses aises, ne peut manquer de s'y attarder avec joie au sortir de la chaleur et de l'étouffement des villes. Mais en hiver et même en ces jours douteux qui ne sont ni printemps ni hiver, il en va tout autrement. La pluie, le brouillard et le vent qui règnent alors en maître, variés uniquement par quelques tempêtes de neige, en font bien le rivage le plus rébarbatif que puisse aborder le voyageur. Ce fut par une matinée de cet ordre qu'emportée à toute vapeur à travers les plaines poméraniennes, Anna jeta son premier coup d'œil sur la terre que l'oncle Joachim souhaitait lui voir adopter. « Quel pays, mon Dieu, quel pays !» répétait Suzy, comme les kilomètres succédaient aux kilomètres, montrant la même succession de paysages plats, pauvres, embrumés, furieusement rayés de pluie et de vent. « Il faut être fou, ma parole, pour acheter de la terre dans un endroit si déshérité. Je n'en accepterais pas une brouettée si on me la donnait. »« Bon, » répondit Anna, dont rien ne pouvait dompter le contentement. « Je suis sûr, moi, que l'oncle Joachim a très bien su ce qu'il faisait en achetant cette terre. » Et j'en accepte en tout cas un grand nombre de brouettes avec beaucoup de joie. » Le mystère, reprenait Suzy, continuant d'inspecter le paysage avec la plus profonde désapprobation, le mystère c'est de savoir comment l'on peut extraire 50 000 francs par an d'une propriété quelconque en ce désert. Attendez que le soleil brille et vous verrez. Je suis certaine que tout va vous paraître charmant, déclarait Anna, toujours ravie. Comment un peu de pluie, de brouillard et de vent eussent-ils entamé cette fraîche joie qui à toute heure trouvait un nouvel aliment? N'avait-elle pas, ce matin même, remis à la chambrière une récompense si somptueuse, pour des services non rendus, que cette fille elle-même avait protesté que c'était trop, compensant par cette largesse d'innombrables départs d'hôtel accomplis la rougeur au front en compagnie de son économe belle-sœur? N'avait-elle pas, ce même jour, demandé et obtenu, sur le champ, la permission de payer les billets de toute la bande? Et n'était-ce pas une sensation bienfaisante, capable de vous cuirasser contre les intempéries de la saison, que de payer ainsi glorieusement pour les autres, au lieu de les voir éternellement payer pour vous? Tandis que d'un côté du wagon, Anna et Suzy comparent leurs impressions contraires, Miss Leach, à l'autre bout, essaye, selon la consigne, de rafraîchir des souvenirs de circonstances chez sa récalcitrante élève. « Nous voici bientôt arrivés à Stralsund, Letty. Ce nom doit, j'en suis sûr, vous rappeler bien des choses ?»« Non, » bougonne l'élève, « il ne me rappelle rien du tout. »« Comment ? Est-il possible que vous ayez oublié les leçons si intéressantes de M. le professeur Smith sur Schiller ?»« Je déteste Schiller, » grogne Letty. « Voyons, voyons, n'êtes-vous pas un peu ému à la pensée de voir bientôt une ville qui a été le théâtre de grandes scènes historiques ?»« Ça m'est parfaitement égal, » fait Letty, insensible. « Au moins vous pourriez vous rappeler la composition que vous fîtes à propos de Wallenstein, » dit l'institutrice, attaquant une autre corde. « Si vous croyez que je l'ai oubliée, elle m'a donné assez de mal, sale composition. Oh, Letty, Letty, je vous en supplie, ne prononcez pas de ces mots qu'on ne devrait jamais trouver dans la bouche d'une personne comme il faut. »« Maman le dit tout le temps, » déclare Letty avec calme. « Revenons à Wallenstein, » fait Miss Leach, se repliant en bon ordre. Il dit une parole célèbre alors qu'il assiégeait Stralsund. La connaissez-vous? Non, je ne désire pas la connaître. Voyons, un petit effort. Ce fut lorsqu'il trouva que les bourgeois de Stralsund lui opposaient une si rude résistance. Il dit peut-être sale bourgeois de Stralsund, suggère Letty en clignant de l'œil. Non, non, persiste Miss Leach, peinée mais patiente. C'est un mot où il est question de chêne. « Eh bien, qu'on l'entende, ce mot, et n'y pensons plus. Que dit-il à propos de Chêne, ce raseur historique ?»« Il dit qu'il prendrait la ville, fût-elle rivée au firmament par des chaînes de fer. » Articule Miss Leach dramatiquement. « Quel vaut ?»« Oh, Letty, mon enfant, où apprenez-vous ces mots affreux? Où pouvez-vous les ramasser ?» s'écrie l'institutrice, consternée. « Nous dirons quel âne, si vous préférez, qui a jamais vu des villes rivées au firmament par des chaînes de fer. » « Mais c'est une figure de rhétorique, une manière éloquente de mettre sa pensée. Réussit-il au moins ?» Il fut obligé de lever le siège en laissant un nombre énorme de morts et de blessés. « Pauvre diable !» Voilà qui aurait admiré sa figure de rhétorique. « Laissons cet ennui, Wallenstein, et revenons à M. Jessop. » « Vous en étiez au moment où il vous appela ami, pour la première fois. » M. Jessop était l'homme qui sut inspirer à Miss Leach un premier et unique amour, et Letty mettait son histoire fort au-dessus de celle de tous les héros de la guerre de 30 ans. Jamais elle ne se lassait d'en entendre les péripéties. La première entrée de M. Jessop sur l'horizon de Miss Leach, les intéressantes approches qui avaient précédé la déclaration, les périodes des fiançailles, leur rupture à jamais regrettable, mais entièrement à la gloire du prétendant, etc., etc. M. Jessop, clergyman de l'église anglicane, et pourvu d'un bénéfice tout prêt à recevoir la future épousée, s'était soudain trouvé la proie de convictions nouvelles, avait passé avec armes et bagages à l'église de Rome. Sur quoi le père de Miss Leach, lui aussi pasteur de l'église anglicane, mit à la porte M. Jessop, non sans tonner fortement contre la femme écarlate de l'Apocalypse, laquelle désigne clairement, comme chacun sait, l'église catholique romaine. Quant à Miss Leach, elle accepta avec résignation la chute de ses rêves, ainsi que l'ingrate profession de governess qu'il lui fallut adopter à l'amour d'un père fanatique mais imprévoyant, trouvant, depuis que le sort l'avait jeté chez les Escort, une réelle consolation à verser la chaste confidence de ses malheurs dans l'oreille d'une élève et amie si bien faite pour la comprendre. Et plus elle en redisait les détails, moins il lui était pénible, si bien que par degrés, elle en arriva à se les remémorer avec un véritable plaisir. Fière d'avoir joué le premier rôle, même dans une pauvre petite pièce sifflée, heureuse de trouver un auditoire toujours prêt à vibrer, s'attardant complaisamment sur les moindres souvenirs de cette période d'importance et de gloire. Au fond, il est douteux que Jessop en personne, s'il était demeuré fidèle à la foi de ses pères et avait épousé Miss Leach en temps voulu, eût été en pouvoir de lui conférer d'aussi vives satisfactions. Par cette conversion en apparence inopportune, il était devenu pour elle et pour Letty une sorte de providence, leur fournissant un sujet d'entretien qui jamais ne pâlissait, apportant la poésie et le rêve dans la triste et prosaïque salle d'études. Innocemment romanesques toutes deux, elles avaient fini par faire de Jessop une sorte de héros et de paladin. Et l'ambition de la petite fille était de vivre un jour, pour son propre compte, un roman aussi attachant, de se voir fiancée à quelque personnage intraitable, en matière de foi et prêt à tout sacrifier, à commencer par elle, Letty, pour l'article le plus insignifiant de son credo. Bientôt, elles furent, comme d'habitude, profondément absorbées dans leur sujet favori, et les brouillards de la Poméranie se déroulèrent inaperçus à leurs yeux fixés sur les diverses excellences de M. Jessop. On annonce Stralsund. Le train stoppe, les voyageuses descendent, toutes, excepté Anna, plus ou moins frissonnante et renfrognée sous la brume et la pluie. Mais Hilton, la femme de chambre, surpassant de beaucoup sa maîtresse même, eut l'ostentation de son malaise et de sa maussaderie. Hilton commençait à regretter amèrement de s'être engagé en cet imprudent voyage, et Suzy commençait à trembler devant sa colère. Hilton avait servi chez des duchesses, et cette circonstance était dans sa main une arme qui jamais ne manquait d'efficacité auprès de la fille des Dobbs. Qu'une tâche incommode ou fatigante, ou peu à son gré, se dessinât pour Hilton, il lui suffisait d'indiquer ce qu'auraient fait ses précédentes maîtresses en pareille occasion pour que Suzy s'inclinât, et ces dames paraissaient avoir eu pour objet principal de satisfaire les moindres caprices de leur femme de chambre. Or, voici qu'une difficulté de premier ordre se présentait inattendue. Deux véhicules, envoyés de Kleinwald, attendaient à la gare. Une antique capote et une simple charrette, que les témoignages irrécusables indiquaient comme servant habituellement, apportaient l'humble fumier de la ferme. On fixa le bagage sur le char rustique, et les quatre dames se logèrent comme elles purent dans la très insuffisante capote. Mais où allait-on juger la frissonnante Hilton? Ce fut alors que la difficulté apparut dans toute son horreur, car tous, garçons de ferme, cochers et porteurs, avaient répondu unanimement en désignant la charrette. La figure de la femme de chambre, lorsqu'elle comprit l'ignominieuse position qui lui était réservée, méritait une étude. Passant rapidement du rouge cramoisi au blanc spectral, elle demeura un instant sans phrase, muette de majesté offensée, et lorsqu'enfin elle retrouva l'usage de la parole, ce fut pour annoncer, avec le calme du désespoir, qu'elle n'entrerait dans cette charrette qu'à l'état de cadavre. « que faire, Anna ?» s'écria la malheureuse Suzy, plus horrifiée peut-être que Hilton en personne, à l'idée de voir la favorite des duchesses si indignement traitée. « Et pas un fiacre en vue, oh, l'affreux pays !»« Que faire ?» « Accepter ce qu'on ne peut éviter, » dit Anna. « Allons, Hilton, ne nous retenez pas ici plus longtemps. Vous vous donnez en spectacle. Prenez cette place et finissons-en. »« Rien qu'à l'état de cadavre, miss. Jamais vivante !» réitéra Hilton, évidemment satisfaite de sa formule. Bon gré, mal gré, il faut se mettre à la recherche d'un fiacre. Après force allée et venue, on finit par dénicher un cocher qui consent pour une somme exorbitante à se charger de la camériste tout trajet. Enfin, le cortège s'ébranle. Au milieu de chaos épouvantables, d'une pluie et d'un vent glacé dont la capote rabattue ne peut qu'imparfaitement les défendre, les voyageuses avancent lentement. Suzy est arrivée peu à peu à un degré de maussaderie qui répand autour d'elle la consternation et la terreur. Un soubresaut plus violent que les autres vient la surprendre et lui arracher un cri de détresse. La voiture s'est arrêtée devant une maison en briques rouges. Sur le perron sont groupées une masse d'enfants, deux ou trois hommes et quelques femmes, qui paraissent d'une corpulence extraordinaire. Une figure de clergyman gras et onctueux se détache du groupe, et un discours extrêmement long et fleuri souhaite à Anna la bienvenue. À Anna, car de l'autre dame, tapie rageusement dans son coin, personne ne distingue autre chose qu'un amas de fourrure, de plumes de coq et de noirs sourcils. Cependant, le discours tire à sa fin. Les yeux pleins de larmes, provoqués par sa propre éloquence, le pasteur lève la main, donne la bénédiction et termine par un bruyant amen. Alors le maître d'école sort du rang, le diapason en main, donne la note et les enfants entonnent un choral suivi de beaucoup d'autres morceaux. Les chants finis, le pasteur demande la permission de présenter son jeune collègue, Herr Vicar Klutz. Un jeune homme à la face blafarde, aux cheveux filasses, aux épaules étroites, au long corps boutonné dans une redingote cléricale, s'avance et, recevant en plein cœur le charmant sourire d'Anna, tombe radicalement épris de la belle étrangère. Ce qui n'est rien de surprenant, si l'on considère que Herr Klutz a 20 ans, qu'il fait des vers, et que depuis 6 mois, il n'a pas parlé à une femme pesant moins de 100 kilos. Le résultat immédiat de ce coup de foudre est un poème composé le soir même, où le jeune vicaire fait rimer Berauschten Sinn, des sens enivrés, avec Engländerin, anglaise, alors que le brave pasteur Manske le croit pieusement occupé à composer son sermon du vendredi saint. Tandis qu'il procède longuement aux autres présentations, le maître d'école, sa femme, Madame Manske, etc., etc., les gémissements de Suzy deviennent de plus en plus distincts et Anna, désireuse de répondre gracieusement à un accueil si amical, autant que de lever la séance, prie à dîner le pasteur et sa femme pour le lendemain. On accepte avec force révérence, l'antique véhicule se remet en marche et cas à cas, on arrive à la bifurcation du chemin où près d'un poteau indicateur attend un homme à cheval. La voiture s'arrête de nouveau. « Bonté divine, encore pérorée !» D'autres phrases, proteste Suzy, arrachée à son silence furieux par des chocs si répétés et si cruels. « Le régisseur Delvig !» annonce d'une voix tonitruante le cavalier qui, ayant mis pied à terre, exécute une série extraordinaire de saluts et de courbettes. Un gros nez obstiné, un front bas et têtu, une paire d'yeux fuyants, trop d'embonpoint, un long torse et de courtes jambes, tels sont les traits qui frappent d'abord chez le régisseur. « Permettez, gracieuse demoiselle, que je vous exprime, » commence-t-il, éclaircissant sa voix. « Pour l'amour du ciel, empêchez-le de parler, je n'en puis supporter davantage, j'en tomberai malade, » éclate Suzy, exaspérée. « Comment pourrais-je l'en empêcher ?» dit Anna perplexe, « le voilà déjà lancé. » En effet, Delvig, ayant préparé à grands frais son discours, entendait le prononcer, et bien fort eût été celui qui l'en aurait pu empêcher. Suzy ferma les yeux, s'abandonnant à son sort, tandis qu'Anna attendait de bonne grâce la conclusion de l'importune harangue. Comme toutes les choses humaines, bonnes ou mauvaises, le discours prend fin, et quittant subitement le ton oratoire, Delvig informe la nouvelle châtelaine qu'elle est désormais sur ses terres. « Si la gracieuse demoiselle le permet, » dit-il, remontant à cheval, « je pourrai l'accompagner et la mettre dès à présent au fait de bien des choses qui l'intéressent. » Un peu à contre-cœur, Anna octroie la permission demandée, car la physionomie de Delvig ne lui plaît pas, et cette bruyante faconde commence à lasser même son inépuisable bonne volonté.